t'es ready? Fun Radio vous invite à l'événement Dance Floor de l'année, Starfloor. Le 20 octobre à Paris-Bercy, c'est complet. C'est Starfloor! Gagnez vos places aller-retour en envoyant Star au 6322. 1€ par message. J-4. En direct dans toute la Belgique sur Fun Radio. Les sons Dance Floor. L'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Avant de mourir, Michel Dardenne voulait arrêter la politique pour faire du théâtre. Michel Dardenne devait d'ailleurs commencer sa carrière d'acteur en jouant le cidre de Corneille. Après avoir perdu tous ses titres du Tour de France, Lance Armstrong change de sport. Lance Armstrong va faire du javelot. Football, la France s'est fait battre par le Japon lors d'une rencontre amicale. Oh. Après sa cuisante défaite face aux Japonais 0-1, la France a du sushi à se faire pour ses prochains matchs. C'était pas amical par contre, c'était pour la Coupe du Monde. Hein. Oui. Pas ouais. Vraiment amical, mais enfin c'est pas grave, hein. Audrey si est au top. Amical, mais ça comptait pas. Ouais. Ah, ça comptait pas. Non, ça comptait pas. Ça comptait comme pas. Par hasard, quand ils perdent, ça compte pas. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai raison. Ouais. Voilà. Un repas de mariage qui tourne mal, 27 intoxications alimentaires. Ouais, il semblerait qu'Audrey se soit mise à la cuisine. C'est dégueulasse. Et pour terminer, si vous aimez les jeux de foot et les maricouches, tout voilà. Jouez au jeu FIFA Facile 13. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Donc là, je propose qu'on appelle la Je m'aime sur Meuse. Ah, bah ça a l'air sympa. Bah oui, plutôt. Allez, c'est parti, Je m'aime sur Meuse maintenant, on appelle. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Et toi? Ben, en fait, voilà, je me demandais, est-ce que vous pensez qu'un manchot, c'est capable de faire les choses les doigts dans le nez? Ouais, j'étais un peu malade, oui. Non, pourquoi vous me dites ça, monsieur? Vous avez vu l'heure? Bah, oui. Oui. Ben, je vois pas le rapport. Oui. Ben, voilà. Au revoir, monsieur. Connard. Connard. Connard. Bon, ben, dis donc, on va le rappeler, ce malpoli, ah, là. Oui. Allez, hop. Non, mais attends. Un poli personnage. Allô? Oui, excusez-moi monsieur, mais d'abord vous êtes vulgaire et ensuite vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis vulgaire, monsieur, vous allez continuer à m'emmerder combien de temps comme ça? Bah, c'est vous qui répondez pas à ma question, oui, monsieur. Vous me donnez votre nom, votre adresse, je vais vous trouver tout de suite. Bah, si vous voulez, si vous venez répondre oui, à... Eh bien, donnez-moi votre nom, votre adresse, je viens tout de suite. Eh bien, alors je m'appelle Toff. Oui. Et je suis 33. Oui. Avenue Télémaque. Oui. À Forêt. Oui. Voilà, je vous attends. Prenez des croissants quand même, hein, qu'on ait de quoi... Je dis, prenez des croissants, qu'on ait de quoi petit déjeuner. Oui. Et votre numéro de téléphone? Alors, donc, c'est le 02 oui. 851 oui. 00 oui. 00. 00. Voilà. Je vous rappelle tout de suite. Si c'est ça, je monte jusque-là maintenant. Ça va, rue Télémaque? Voilà. Ok, je vous rappelle. Si c'est là, je monte, je vous pète la gueule. Ça va, merci. Ouf, tu y as dit. Il va venir alors? Ben, je sais pas, bah, il appelle pas avec les croissants en tout cas. Non, il appelle pas. Bon, attends, on va le rappeler alors. Allez hop. Pas encore. Allô? Oui, vous ne m'appelez pas? Si, je vais l'appeler, c'est un faux numéro, vous jouez avec mes couilles? Bah, pas du tout, monsieur, c'était si. Pas. Bah, pas du tout, enfin. Vous allez continuer à m'emmerder combien de temps? Mais enfin, monsieur, moi je vous appelle juste pour vous poser une question, c'est vous qui vous énervez pour rien? Vous allez continuer à m'embêter combien de temps encore? Mais je ne vous embête pas, monsieur, je vous pose. On n'appelle pas les gens pour poser des questions ridicules? Bah, elle est pas ridicule, ma question, monsieur. Non. Bah non, enfin c'est quand même. Vous avez jamais posé la question de savoir si un manchot pouvait faire les choses les doigts dans le nez? Bon, vous arrêtez maintenant, vous appelez la police, hein. Votre numéro n'est même pas vrai, je vais l'appeler, vous n'avez même pas répondu. Bah, vous n'avez même pas les couilles de donner votre nom, votre numéro de téléphone. Mais si, je vous ai tout donné, monsieur. Absolument pas. Mais bien sûr que si. Numéro 02 oui. 851 oui. 0000. Exactement. Ben, ce n'est pas vrai, je vais l'appeler, vous êtes un menteur. Mais pas du tout, monsieur. C'est vous qui n'avez pas appelé, c'est vous qui êtes un menteur. Mais absolument pas. Je suis à côté du téléphone, vous n'avez pas rappelé. Oui, vous appelez avec un GSM là pour l'instant. Mais pas du tout, monsieur, j'appelle avec un téléphone fixe. Oui, qui est un numéro marqué, évidemment. Bah, ça, c'est pas de ma faute, monsieur, voyez avec Balgacom. Oui, parce que vous n'osez pas appeler avec votre numéro. Bah, si, je vous appelle avec mon numéro. Oui. Mais après, il est masqué, je n'y peux rien. Allô? Oui, bonjour madame. Oh non. Vous êtes la de qui, monsieur? Écoutez, c'est la police. Ah, si, vous madame. Vous vous rendez compte, vous appelez pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je voudrais savoir si vous pensez qu'un manchot peut faire les choses les doigts dans le nez. Oui, vous êtes vraiment con, hein. Pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Bah, parce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Bah, évidemment. T'appelles la police, ça va? Maintenant, vous arrêtez. Pour la police. Ah, bah, elle se raccroche au nez elle-même, dis donc. Oui. Oh là là, je vous jure, ils sont bizarres, je mets sur Meuse. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Salut, petit relou, les meilleurs messages 0473 86 0013. Les meilleurs messages laissés sur le répondeur de la ligne anti-relou ce week-end. Grâce à vous, vous avez peut-être pu vous débarrasser d'un relou, d'une relou justement. On écoute maintenant le premier message. Ah Gérard, c'est toi qui... je t'attends depuis hier après-midi, tu commences à me casser les couilles. Parce que la mère Gilou, elle veut que je ferme le plafond et moi je peux pas fermer. Donc si tu passes pas avant cet après-midi, ben moi je ferme, tu te démerderas. Tu me rappelles. Oh, tu me casses, oh, commences à me casser les couilles, t'as compris? Hein, non mais attends, Ziva quoi. Bon, message suivant. Ziva. Oui, bah bonjour Céline, c'est Tony. Voilà, hier on s'est rencontrés, je sais pas si tu me remets. Je t'ai dit, bah tiens, si je gagne au tiercé, on partage. Et ben j'ai gagné. Il y a 3000 euros qui t'attendent. Allez sur ce. Oula, oula. Attends, moi je vais le rappeler, hein. Bonjour, c'est Céline. Apparemment, tu as gagné de l'argent. Je suis là. Pas de problème. Il est au taquet. Ah, bah attends, ouais, tu rigoles, tu as gagné 3000 boules, tu rigoles. Attends, s'il me donne ne fût-ce qu'un tiers, on est c'est bien. Un bon parti. Ah, c'est plutôt pas mal. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. D'une grande émission de télé, comme je le disais, Confessions intimes. Ah. Et oui, et grâce à TF1, justement, on va revoir ensemble les bonnes manières dans le couple. Mais d'abord, faisons connaissance, évidemment, avec ce couple qui va nous aider tous, hein, toutes et tous. Ah bah attention, ça va m'aider moi, ça va aider tous les mecs qui écoutent, ça va aider tous les couples qui sont en train d'écouter Fun Radio maintenant. Justement, c'est parti pour le petit résumé. Entre Angélique et Stéphane, rien ne va plus, et cela depuis près de 4 ans. Après un mariage, un enfant et un divorce, ils essaient depuis près d'un an de repartir à zéro. Oui, donc ça fait beaucoup. Tout ça s'est passé en 4 ans, hein, donc il y a quasiment un événement par an, c'est quand même pas mal. Et donc on sent tout de suite que l'amour transpire dans ce couple. Alors première leçon, hein, comment dire à sa bien-aimée qu'on est heureux d'être avec elle? T'as honte de te montrer en public avec moi ou quoi? Non. Bah si. Bah peut-être un peu. Eh oui, peut-être un peu. C'est une blague. Voilà, c'est ça. Donc, il a un peu honte, quoi. Mais bon, alors maintenant, voyons comment lui dire quelle est la plus belle femme du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Tu me le dis jamais. Eh ben, tu m'attires pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Tu m'attires pas. Eh ben oui, tu vas. Casse-toi, mais. C'est une bonne réponse. Ah, c'est beau cet amour quand même. Oui. Alors, apprenons maintenant à faire un compliment. C'est parti. J'ai peut-être l'habitude de te voir habillé comme un paysan, là. Que maintenant, j'ai même plus envie de te regarder, peut-être. Ah, bah oui, tu as l'air plus envie. Il a plus envie. Mon Dieu. Mais le plus important, je sais pas, le plus important c'est de savoir ce qu'on veut dans la vie. Et c'est ça le plus important justement. Et tu m'attires pas, qu'est-ce que tu veux que tu fasses en calme? Je suis prête à tout pour toi. C'est juste pour te faire comprendre que je veux une femme à la maison et pas ça. Et voilà, et pas ça, il a pas envie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein? Ah oui. Bah c'est ça. Rien d'autre à dire, hein. Je pense qu'il veut pas le ça, pauvre. Il veut pas ça. Non mais au moins comme ça c'est clair. Alors il ne reste plus qu'à établir ça, évidemment. Il ne reste plus qu'à établir la liste des priorités. Ça c'est mes motos, elles ont toujours passé avant toi, elles passeront toujours avant. Hein. Ah bah voilà, hein, comme ça au moins c'est fait, hein, les motos c'est principal. Hein. Maintenant vous moi êtes prêts. Moi je suis d'accord, d'abord la moto et puis sa femme. Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts maintenant à vivre le grand amour, hein. Vous savez comment parler à votre copine si vous aviez encore des doutes, ça y est c'est fait, pas de problème. Vous pouvez évidemment pécho comme ça facilement Aline ou Audrey. Sans problème. Ah bah grave, maintenant vous savez comment faire quoi. Ouais c'est ça. Ouais, et puis l'avantage de la moto c'est qu'on la chevauche quand on veut quoi. C'est ça. Mickaël à la radio, le replay.